macadam. Il y a des drames qui se trament. On n'est pas à l'abri de ces trucs-là, nous les pauvres gars. Hier, sur le macadam de la rue d'Amsterdam, le malheur m'a frappé. Je méritais pas, moi un pauvre gars. Alors qu'il y en a qui s'en font pas et qui se les roulent. Tiens là, je les vois au bar tabac et qui vous coulent. Toute la journée, ça claque du blé, ça fait le monsieur, c'est prétentieux. Ils sont pleins de sous et ils te payeraient même pas un coup. C'est vrai, sur le macadam, il y a des drames qui se trament. Y'a qu'à nous que ça arrive, des trucs comme ça, nous les pauvres gars. Hier, sur le macadam, hier, en plein Paname, voilà que ça me tombe dessus. Je méritais pas, moi un pauvre gars. Alors qu'il y en a qui s'en font pas et qui se les roulent. Tiens là, je les vois au bar tabac et qui roucoulent. Toute la journée, ça claque du blé, ça fait le monsieur, c'est prétentieux. Ils sont pleins de sous et ils te paieraient même pas un coup. C'était du rouge, du bon, du vrai rouquin, du 12 degrés entre mes mains. Mes mains qui l'ont laissé tomber. Oh non, j'en ai pleuré. Alors qu'il y en a qui s'en font pas et qui se les roulent. Tiens là, je les vois au bar tabac et qui roucoulent. Toute la journée, ça claque du blé, ça fait le monsieur, c'est prétentieux. Ils sont pleins de sous et ils paieraient même pas un coup. Alors qu'il y en a qui s'en font pas et qui se les roulent. Je les vois au bar tabac et qui roucoulent. Toute la journée, ça claque du blé, ça fait le monsieur, c'est prétentieux. Ils sont pleins de sous et ils te paieraient même pas un coup.